compra con Sojo Pel. Sojo con Pel. Sojo con Pel. Tracu, tracu, tracu, tracu, tracu, tracu, tracu, puede pasar. Sojo con Pel. Sojo con Pel. Puede pasar. Puede pasar. Déchirons, déchirons, c'est bien si fort. Foin du notaire, tiens, déchirons, déchirons, déchirons, c'est bien si fort. Trop, trop, trop, changeons qu'on perd, rien est si bon. Rien de si bon, trop bon, trop bon, sans ton compère. Rien de si bon, rien de si bon. Trop bon, trop bon, trop bon, trop bon, trop bon, trop bon, trop bon, trop bon, sans ton compère. Point de façon, foin du notaire. Déchirons, c'est bien si bon. Tiens, déchirons, déchirons, déchirons, c'est bien si bon. Tiens, déchirons, déchirons, déchirons, c'est bien si bon. Trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, changeons ton père, changeons ton père. Rien n'est si bon, rien.